kuvamvu kubwikanye bubi nabubonye ejo bundi depuis wari wabona ubwikanye bwabaye ubwabaye ejo bundi burahebuje depuis que je suis né c'est vraiment la première fois que je vois des massacres de telle échelle bagira kuvinja bakica bakagira ku mukobwa bakagira ku mugabo bakagira ku mugore bakagira ku ikintu cyose ntacyo batishe ntacyo batishe On tue tout le monde, à commencer par l'enfant, la mère, le père, le vieux, on tue tout le monde. On les amassait ensemble, puis on jetait des grenades. Quelqu'un qui tentait de fuir, il y avait des gens qui venaient avec les machettes pour les achever. C'était nos voisins, ils venaient avec des militaires dans les camions et ils descendaient avec des gens qui venaient d'ailleurs. Il y avait des voisins, des gens qui venaient de très loin avec des militaires dans les camions. Alors vous savez qui a tué vos enfants? Vous savez qui exactement? Je les connais. Je les connais tous. Où sont les corps de vos enfants? On ne les enterrait même pas, ils ont été dévorés par les rapaces. Les rapaces, les chiens, les charognards. De là où j'étais, il ne restait plus personne, on les a exterminés, il n'y a plus à tuer. Au Rwanda, il n'y a plus un seul Tutsi. Alors que dire de plus, Elikia Mbokolo, sur ce drame rwandais? Le drame rwandais, ce n'est pas une succession de massacres comme le continent africain en a connu tout au long du XXe siècle. C'est un véritable génocide. Quant à ses causes immédiates, les sources sonores parlent encore d'accidents. Aujourd'hui, on sait que c'est un attentat qui a tué le président Habyarimana. Le génocide rwandais va d'ailleurs très largement déborder du Rwanda et avoir des conséquences très durables sur toute la région. D'abord au Burundi, pays qui est une sorte de cousin du Rwanda, où vivent les Hutus et les Tutsis. On voit les partis en présence s'engager de plus en plus et s'enfoncer dans le cercle vicieux des violences ethniques. Quant aux Zaïre voisins, qui étaient enlisés dans cette interminable transition démocratique, le génocide va lui amener des dizaines, des centaines de milliers de réfugiés Hutus, dont le nouveau régime de Kigali va, à juste titre, redouter le retour. Toute cette situation fait l'affaire d'un vieux routier de la vie politique zaïroise, Laurent Désiré Kabila. Avec l'aide de l'Ouganda et avec l'aide aussi, bien sûr, du nouveau régime rwandais, Laurent Désiré Kabila crée en octobre 1996 l'AFDL, l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo. Et à la surprise générale, les troupes de l'AFDL remportent très facilement les batailles qui les opposent à l'armée zaïroise. De sorte que, dès le 31 janvier 1997, interviewé au téléphone, Laurent Désiré Kabila est en mesure de poser ses conditions.